Un matin. Extrait du recueil Les forces tumultueuses. Dès le matin, par mes grandes routes coutumières qui traversent champs et vergers, je suis parti, clair et léger, le corps enveloppé de vent et de lumière. Je vais, je ne sais où. Je vais, je suis heureux. C'est fête et joie en ma poitrine. Que m'importent droits et doctrines? Le caillou sonne et luit sous mes talons poudreux. Je marche avec l'orgueil d'aimer l'air et la terre, d'être immense et d'être fou, et de mêler le monde et tout à cet enivrement de vie élémentaire. Ô les pas, voyageurs éclairs des anciens dieux! Je m'enfouis dans l'herbe sombre, où les chênes versent leurs ombres, et je baise les fleurs sur leurs bouches de feu. Les bras fluides et doux des rivières m'accueillent. Je me repose, et je repars, avec mon guide, le hasard, par des sentiers, sous bois, dont je mâche les feuilles. Il me semble, jusqu'à ce jour, n'avoir vécu que pour mourir, et non pour vivre. Oh, quel tombeau, creuse le livre, et que de fronts armés y descendent, vaincus. Dites, est-il vrai qu'hier, il exista des choses, et que des yeux quotidiens aient regardé avant les miens, se pavoiser les fruits et s'exalter les roses? Pour la première fois, je vois les vents vermeils briller dans la mer des branchages. Mon âme humaine n'a point d'âge. Tout est jeune, tout est nouveau sous le soleil. J'aime mes yeux, mes bras, mes mains, ma chair, mon torse et mes cheveux amples et blonds, et je voudrais, par mes poumons, boire l'espace entier pour en gonfler ma force. Oh, ces marches à travers bois, plaines, fossés, où l'être chante et pleure et crie, et se dépense avec furie, et s'enivre de soi, ainsi qu'un insensé.